Au début, j'te jugeais. Au début, j'te jugeais. Yeah. Au début, j't'ai jugé parce que je comprenais pas. Mais finalement, j'ai compris que ça se contrôlait pas. Je me sens un peu coupable de m'être écarté de toi. Mais tu sais comment c'est, au fond des quartiers froids. Ici, c'est la rue, y'a que les loups qui survivent. Faut sourire, va voir le sérine si tu veux pas qu'on te surine. Nos parents voulaient pas qu'on se plante. C'est pas que je pouvais pas te comprendre, c'est juste que je voulais pas te comprendre. Car j'ai grandi dans un monde où les hommes dominent, où on respecte celui qui a le gun en dessous de l'abdomen. Je regrette tellement, je te dis va te faire enculer sans savoir que tu le ferais vraiment. Te sens pas obligé de mentir, te sens pas obligé d'enfuir. Le monde se remplit de sang, personne n'est vraiment innocent. Te sens pas obligé de mentir, te sens pas obligé d'enfuir. Le monde se remplit de sang, personne n'est vraiment innocent. Wow. Wow. Tout le monde fait la même blague à la cité. Tu préfères que ta fille soit une pute ou que ton fils soit gay. Si monotone, les racistes disent qu'ils sont pas racistes. Et c'est pareil pour les homophobes. Qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce qui me rend meilleur que toi? Meilleur que la gamine au feu rouge qui meurt de froid. Meilleur que celui qui sent le poiscaille, que celui qui vend son shit. Meilleur que celle qui vend sa chatte. Un peu de valeur, bon sens, dans l'excès comme un footballeur. Mais je veux pas être un rappeur conscient. J'ai compris que tout le monde a son exutoire. Si je t'ai jugé pour quitter, excuse-moi. Te sens pas obligé de mentir, te sens pas obligé d'enfuir. Le monde se remplit de sang, personne n'est vraiment innocent. Te sens pas obligé de mentir, te sens pas obligé d'enfuir. Le monde se remplit de sang, personne n'est vraiment innocent. Wow. L'enfer c'est pas nous, c'est les autres. Mais chez les autres, c'est nous les autres. Wow. L'enfer c'est pas nous, c'est les autres. Mais chez les autres, c'est nous les autres. Hey. Si je te dis que je suis homophobe, je te mens. Si je te dis que je l'ai jamais été, je te mens encore plus. Le point de la vie dans la gueule, n'essaie pas d'être une autre personne pour le regard de gens aveugles. La mort c'est une chanson sans partition, la vie c'est un film sans partie 2. Donc vis juste et ferme les yeux, des masques et des bombes. Les gens sont malheureux parce qu'ils connaissent pas leur place dans le monde. Te sens pas obligé de mentir, te sens pas obligé d'enfuir. Le monde se remplit de sang, personne n'est vraiment innocent. Te sens pas obligé de mentir, te sens pas obligé d'enfuir. Le monde se remplit de sang, personne n'est vraiment innocent. Oh.